Chapitre 8. Pendant que le baron de Fresnay menait joyeuse vie avec la fausse comtesse, et que Georges de Ménestreau faisait sa cour à Camille Monistrol, qui ne le rebutait pas, Courapier et son fils passaient mal leur temps fort loin du boulevard Voltaire, et encore plus loin de la rue Mozart. Ils n'étaient pas morts, comme Camille l'avait cru assez légèrement, et ils n'étaient pas non plus allés rejoindre Zigzag, comme l'affirmait sans preuve M. de Ménestreau. Ils habitaient, bien malgré eux, un fort triste lieu. Et ils ignoraient comment ils y étaient venus, quoiqu'ils se souvinssent très bien de leur chute et des incidents qui l'avaient précédée. Après un évanouissement plus ou moins long, ils s'étaient relevés moulus, meurtris et endoloris, mais intacts et plongés dans une obscurité profonde. Leurs pieds foulaient une terre froide, leurs mains étendues touchaient des murailles humides, et au-dessus de leur tête ne filtrait pas le plus petit filet de jour. Tout indiquait qu'ils étaient enterrés vivants et destinés à mourir de faim. Le père et le fils, après avoir échangé de tristes réflexions, s'étaient mis à essayer de parcourir le caveau où ils étaient tombés, par leur faute. Sans lumière, ce n'était pas commode. Mais en tâtonnant, ils reconnurent que ce souterrain était une galerie étroite, et si basse, que Courapier, debout et le bras levé, pouvait toucher la voûte. Jusqu'où s'étendait cette galerie? Impossible de le savoir. Et ils s'arrêtèrent avant d'en avoir trouvé la fin. En revanche, ils constatèrent qu'elle n'était pas vide. Des deux côtés, il y avait des barriques rangées avec soin et des tas d'objets dont ils ne purent pas au toucher déterminer la nature pendant ces deux premières explorations. Évidemment, ce n'était pas là qu'ils s'étaient jetés en se lançant trop vite dans le corridor à la suite de Vigoureux. Un saut de 6 à 7 pieds ne leur aurait pas fait perdre connaissance. On les y aurait donc portés avant qu'ils fussent revenus à eux, et on les y avait enfermés, murés peut-être dans l'aimable intention de les y laisser périr lentement. Zigzag et sa complice Amanda pouvaient seuls avoir imaginé ce supplice épouvantable, et ils s'étaient dispensés d'achever leur victime, c'est qu'ils avaient sans doute la certitude absolue qu'elle ne pourrait pas s'échapper. Courapier n'avait certes jamais entendu parler de l'histoire d'Ugolin, réduit à manger ses enfants, mais il comprenait l'horrible sort qui les attendait, lui et son fils, et il regrettait amèrement de s'être embarqué pour servir Mademoiselle Monistrol dans une expédition qui avait si mal fini. Le seul espoir qui lui resta, c'était que la jeune fille eût échappé aux assassins embusqués dans la Maison Rouge, et qu'elle eût le courage de revenir avec des agents délivrer ses auxiliaires, pris dans un piège abominable. Mais cette délivrance hypothétique pouvait tarder, et en attendant, il fallait vivre. Pour le moment, les prisonniers n'avaient pas faim, car ils s'étaient amplement rassasiés chez Mademoiselle Monistrol. Brigitte leur avait servi un excellent et plantureux dîner, avant qu'ils se missent en route. Mais dans quelques heures, ce repas qui menaçait d'être le dernier serait digéré et l'appétit reviendrait. Comment le satisfaire? Depuis quelque temps, la misère les avait accoutumés à jeûner, mais on ne peut pas jeûner indéfiniment, et la mort est au bout d'une abstinence trop prolongée. Ils souffraient déjà une autre torture que la faim. Vivre dans les ténèbres, c'est mourir à moitié. Et quelles ténèbres! Celles des entrailles de la terre. La nuit du tombeau, lourde, opaque. Elle les oppressait comme s'ils eussent porté sur leurs épaules le poids de l'édifice en ruine qui pesait sur les voûtes de ce caveau maudit. Et elle aggravait considérablement leur situation, car ils ne pouvaient pas se diriger, faute d'y voir clair, et en marchant à l'aventure, ils couraient grand risque de tomber dans un autre précipice. Le désespoir prit Courapier. Il se coucha sur le sol, et attirant son fils à lui, il attendit la mort. Ce fut le sommeil qui vint, un sommeil qui ressemblait à une léthargie et que Georges respecta. Il n'avait pas envie de dormir, le brave enfant, et pendant que son père se reposait, il se mit à chercher un moyen de sortir de là. À son âge, on ne se décourage pas facilement, et quelque chose lui disait que sa destinée n'était pas de finir ainsi. Il chercha à se rendre compte de ce qui leur était arrivé, et à peser les chances de salut qui leur restaient. D'abord, où était-il? Cette maison qui avait tant de caves servait-elle de repère habituel à une bande de brigands ou de faux monnayeurs? Pourquoi y avait-on laissé des tonneaux, puisque les gens qui l'habitaient, autrefois, l'avaient abandonné? Le souterrain n'avait-il qu'une issue, ou bien aboutissait-il à une ouverture donnant sur la campagne? La cave qui lui servait d'antichambre devait être de l'autre côté du mur, au pied duquel ils avaient repris connaissance. Mais où était la porte de communication? Il s'agissait de la trouver, ou d'en trouver une autre. On les avait poussés dans cette boîte de pierre. Puisqu'on y entrait, on pouvait en sortir. Et si donc on avait voulu les situer, c'eût été déjà fait. Donc tout espoir n'était pas perdu. Mais Georges comptait peu sur les secours qui pouvaient lui venir du dehors. Mademoiselle Monistrol elle-même devait y regarder à deux fois avant de recommencer une entreprise qui avait failli lui coûter la vie, en admettant qu'elle fût encore de ce monde. Georget ne comptait que sur lui-même, car il craignait que les émotions et la chute n'eussent un peu troublé le cerveau de son père. La grande difficulté, c'était l'obscurité. Et de plus, la privation de lumière lui causait une souffrance physique. Ses yeux croyaient voir danser des étincelles, et lui semblait par moments qu'on lui écrasait les paupières. Que n'aurait-il pas donné d'une simple chandelle et d'un paquet d'allumettes? Il se rappela tout à coup que le matin même, en rôdant sur la place du trône pour ramasser des morceaux de pain d'épices, il avait pris sur une table, placée devant un café, une pincée de bûchette soufrée et phosphorée, qu'il voulait rapporter à son père, qui n'avait rien pour allumer sa pipe. La présence de Mademoiselle Monistrol l'avait empêché de les lui en remettre. Mais était-elle encore dans sa poche depuis qu'il avait changé de costume? Il ne s'en souvenait pas. Et alors même qu'il ne les aurait pas laissées dans la poche de sa culotte de paillasse, elles avaient dû tomber et s'éparpiller sur le sol, quand il avait fait la culbute dans le trou. Il se fouilla avec une indicible émotion, car suivant qu'il les trouverait ou qu'il ne les trouverait pas, c'était la vie ou la mort. Bientôt il poussa un cri de joie, qui ne réveillait pas court à pied. Les allumettes y étaient. Georget, avec des précautions infinies, tira de la poche de son pantalon 16 allumettes, 100 fois plus précieuses pour lui en ce moment que des diamants ou des perles. Mais sa joie fut de courte durée, car en les comptant, il constata qu'il y en avait en tout 9. Ce n'était pas avec cette mince provision qu'il pouvait découvrir une issue pour sortir du souterrain, et dans tous les cas, il fallait l'aménager, car autant d'allumettes brûlées, autant de chances de salut perdu. Prendrait-elle feu, seulement quand il voudrait s'en servir? L'humidité de la cave pouvait les avoir détériorées, au point de les empêcher de s'enflammer. Il passa légèrement son doigt sur le bout soufré, et il eut la satisfaction de voir briller une faible lueur phosphorescente. C'était un commencement d'espoir, mais ce premier succès ne suffisait pas à assurer l'éclairage. Une allumette brûle pendant quelques secondes et s'éteint en vous laissant de nouveau dans l'obscurité, si on n'a ni lampe ni bougie. Et il y avait peu d'apparence qu'un de ces luminaires se trouvât dans le caveau. Georget se dit cependant que les tonneaux qu'il avait touchés de ses mains avaient dû être mis là par un tonnelier, et que ce tonnelier, qui certes ne travaillait pas dans l'obscurité, pouvait bien avoir oublié quelques bouts de chandelle. La chance de découvrir ce rouleau de suif valait bien le sacrifice d'une allumette. Mais sur quoi la frotter? Le sol était mou, les murs suintaient, et les semelles des souliers de l'enfant n'étaient pas sèches, car il avait longtemps marché dans la boue, avant d'arriver à la maison rouge. Georget, couché à côté de son père, se leva tout doucement, et se mit en marche pour retrouver les barriques. Il s'arrêta à la première que sa main rencontra, s'assura que le bois n'était pas humide, et racla vivement, avec la pointe de son allumette, la surface d'une douve un peu moins lisse que les autres. Le phosphore lança de petits éclairs bleuâtres, suivi d'une espèce de bouillonnement du soufre, et finalement la bûchette s'enflamma. Georget éprouva la même sensation de joie qu'un marin égaré qui voit briller un phare, et profita aussitôt de cet éclairage fugitif pour inspecter rapidement les objets qui l'entouraient. Un bonheur n'arrive jamais seul. Son premier regard tomba sur une grosse lanterne posée sur une barrique. Il tremblait que cette lanterne fût vide, mais en l'ouvrant, il vit qu'elle était pourvue d'une longue bougie, presque intacte, qu'il s'empressa d'allumer. « Sauvé !» murmura-t-il. Et il courut secouer son père, qui se réveilla en sursaut, et se mit sur pied avec la vivacité d'un homme convaincu qu'on vient d'égorger. Courapier se mit en garde avec ses poings, la seule arme dont il put disposer. « N'aie pas peur, père, c'est moi !» lui dit Georget. « Comment, c'est toi? Je ne te reconnaissais pas. Tu as la figure noire comme un nègre. Et toi aussi, père, tu as l'air d'un charbonnier. » « Bon, je vois ce que c'est. Nous avons dû tomber sur un tas de poussière de charbon. Il n'y en a pas ici, ça prouve qu'on nous y a traînés. Mais j'ai trouvé un falot qui va nous aider à en sortir. » Et le brave enfant raconta brièvement à son père l'histoire de ce miracle. Courapier examina la bougie qui brûlait dans la lanterne et dit « En route, mon gars, et n'avons pas une minute à perdre pour inspecter le local, car notre lumière ne durera pas longtemps. Mais voyons d'abord où nous sommes. » Ils étaient à quelques pas de la muraille pleine qui fermait de ce côté le souterrain. Courapier, très judicieusement, commença par examiner de près cette muraille, et il n'y vit pas la moindre solution de continuité. Il frappa du pied et du poing les pierres qui la formaient, et aucune ne s'en accrut. « J'ai cru qu'il devait y avoir là une porte, dit-il, mais allons jusqu'au bout. » Ils se mirent en marche, Georget portant la lanterne. Ils passèrent le long des barriques symétriquement rangées, et ils remarquèrent qu'elles étaient toutes pourvues de robinets, comme celles qu'on voit dans les magasins des licoristes. Plus loin, ils retrouvèrent le tas qu'ils avaient déjà heurté dans l'obscurité, et ils reconnurent que ce tas se composait de jambons d'Amérique empilés les uns sur les autres et enveloppés de toiles cirées. Bon, du coup, à pied, ces deux caves servent d'entrepôt à des fraudeurs. Ils doivent y venir souvent et nous ne tarderons guère à les voir, à moins que nous ne trouvions le moyen d'en sortir avant leur visite. Nous voilà assurés de ne pas crever ici. « Avançons, père, » murmura Georget. « La bougie brûle et nous n'en avons qu'une. » Ils avancèrent et ils arrivèrent à une bifurcation de la galerie, laquelle à prendre des deux voies qui se présentaient. Ils prirent à droite au hasard, et ils ne tardèrent pas à rencontrer un obstacle qu'ils n'avaient pas prévu. La galerie était coupée dans toute sa largeur par une excavation dont les bords étaient coupés à pic. Sans le fanal que portait Georget, ils y seraient infailliblement tombés et ils n'en seraient jamais revenus, car on n'en apercevait pas le fond, et la bougie n'éclairait pas assez pour qu'ils pussent voir si le souterrain s'étendait au-delà de cette tranchée. Assez attristés de cette découverte, ils revinrent sur leurs pas jusqu'à la bifurcation et ils s'engagèrent dans l'autre galerie. Celle-là était une impasse, elle était barrée par un mur. « Pas d'ouverture d'aucun côté, » murmura tristement Courapier, découragé. « À moins qu'au-dessus de nos têtes il n'y ait un puits, » dit le bien avisé Georget. Ils regardèrent en l'air et ils n'aperçurent pas le jour. Alors, sans se demander s'il ne faisait pas nuit dehors, ils regagnèrent leur point de départ. « Au moins, » dit Georget en montrant les tonneaux et les jambons, « nous ne mourrons ni de faim ni de soif. Mais il faut ménager notre lumière, et si tu me le permets, père, je vais l'éteindre. » « Éteindre notre lanterne ?» s'écria Courapier. « Es-tu fou, petit ? Et qu'est-ce que nous deviendrons sans lumière ?»« Je vais te dire, père, » murmura timidement Georget, « si nous la laissons brûler, nous n'en aurons pas pour 3 heures, et après ?»« Après, nous n'y verrons plus goutte, c'est sûr. Mais si tu l'éteins, avec quoi la rallumeras-tu, malheureux ?»« J'avais 9 allumettes dans ma poche, il m'en reste 8. Ça fait que pendant 8 jours, nous pouvons être éclairés 1 quart d'heure ou 10 minutes chaque fois, le temps juste qu'il nous faudra pour manger. » La belle avance. Autant mourir tout de suite. Pense donc, père, que d'ici à 8 jours, quelqu'un descendra sans doute dans le souterrain. Quelqu'un ? Oui, zigzag, pour voir si nous sommes morts. Non, père, pas zigzag, mais les gens qui ont déposé ici des marchandises. Il faut donc vivre jusqu'à ce qu'ils viennent, et garder de la lumière pour qu'ils nous voient quand ils viendront. C'est vrai, pourtant, murmura Courapier. Tu as raison, petit. Mais puisque nous sommes éclairés pour le moment, profitons-en, et installons-nous le mieux que nous pourrons. « Bien dit, père. Je vais commencer par faire nos lits. Nous ne coucherons plus sur la dure. »« Faire nos lits ? Mais avec quoi ?»« Avec des jambons, pardine. Tu vas voir ça. » Et Georget, découronnant le tas de salaisons américaines, se mit à étaler méthodiquement sur le sol les jambons plats, de manière à former 2 couchettes, une grande et une petite. Il les arrangea si bien, les uns contre les autres, qu'ils faisaient corps ensemble, et à la tête de chacun de ces lits improvisés, il en empila quelques-uns qui devaient tenir lieu d'oreiller. « Les matelas sont un peu minces, » dit-il en riant, « mais ça vaudra toujours mieux pour nous reposer que la terre nue. Il n'y manque rien que des couvertures, mais il ne fait pas froid. »« Ah, tu en as de l'invention, toi !» s'écria Courapier, tout émerveillé de l'esprit ingénieux de son fils. « Et j'ai eu soin de choisir une place où nous serons à portée de notre garde-manger. Nous n'aurons que le bras à allonger pour attraper un morceau de lard, et pour tourner le robinet d'un tonneau. Et du pain. Nous nous en passerons. Je sais bien que le salé, ça altère, mais nous avons là-dedans de quoi boire à notre soif. Savoir, les barriques sont peut-être vides. Oh que non, j'ai cogné dessus, elle sonne le plein. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour sûr, ce n'est pas de l'eau. Les fraudeurs ne s'amusent pas à emmagasiner du bouillon de grenouille. Mais père, vous ne l'aimez pas beaucoup, l'eau. Et si c'est du bon vin, ça ne vous fera pas de peine. Et c'est un peu pour voir. Georget tourna le robinet le plus rapproché et reçut dans le creux de sa main un liquide qu'il porta vivement à sa bouche. « Pouah, que c'est fort !» dit-il en crachant la gorgée, faute de pouvoir l'avaler. « C'est de l'eau de vie, parbleu !» grommela Courapier. « Encore si c'était de la fine, mais ça doit être du 3-6, drôle de rafraîchissant. Nous crèverons si nous ne buvons que ça. Je vais toujours m'en servir pour me débarbouiller. Je ne veux pas rester nègre. » Et le gamin, laissant couler le robinet, se mit bravement à se laver la figure avec de l'alcool à beaucoup de degrés. Courapier fit comme lui et goûta par la même occasion la liqueur, qui était bien de l'esprit de vin presque pur. « Nous ne tiendrons pas à ce régime-là, » grommela-t-il. « À moins que nous ne trouvions une source, nous aurons bientôt le feu dans le corps. »« Tâchons de ne pas le mettre au tonneau, » riposta Georget, en fermant la lanterne. « La terre a bu de l'eau de vie pendant que nous faisions notre toilette, et si une flamèche tombait dessus, l'incendie gagnerait, et nous serions grillés. Maintenant, père, as-tu faim ?»« Non, pas encore. N'importe, je vais toujours couper 2 ou 3 tranches de jambon. » « Heureusement que j'ai mon couteau dans ma poche. » Il le fit comme il le disait. La toile qui enveloppait un des gigots de porc servit de nappe et d'assiette. Il y étala les morceaux qu'il venait de détacher et en furetant, il découvrit un vieux bidon qu'il s'empressa de remplir à moitié. « Le couvert est mis, dit-il. Nous déjeunerons quand tu voudras, père. »« Ça ne sera pas de si tôt. Le chagrin m'a coupé l'appétit. Et puis, quelle heure peut-il bien être ?»« Tu sais bien, père, que je n'ai pas de montre, ni toi non plus. Et les fraudeurs ont oublié de mettre une horloge dans leur cave. Mais ils ne devaient pas être loin de minuit quand nous sommes tombés. Combien de temps sommes-nous restés sans connaissance ? Moi, je ne m'en doute pas. »« Ni moi non plus. Et combien de temps ai-je dormi après notre première expédition dans ce satané souterrain ? Tout ce que je sais, c'est que si tu ne m'avais pas réveillé, je ronflerais encore, et je sens que j'ai sommeil. Moi aussi, père, et rien ne nous empêche de contenter notre envie. Quand nous aurons passé une bonne nuit, il nous viendra peut-être des idées. Couchons-nous tranquillement. » Courapier subissait déjà l'ascendant de Georget. Il s'étendit sur sa couche comestible, et il ne tarda guère à fermer les yeux. L'enfant serra précieusement dans la lanterne, pour les mettre à l'abri de l'humidité, les 8 allumettes qui lui restaient, souffla sa bougie unique, referma la porte du falot, le plaça près du lit qu'il s'était arrangé et se laissa aller au sommeil de l'innocence. Ce sommeil fut très long, et cependant Georget se réveilla avant son père. Il sentait des tiraillements d'estomac causés par la faim, mais il ne voulut point déjeuner seul, et il attendit que Courapier donnât signe de vie. Il s'assit sur son séant et il prêta l'oreille, dans l'espoir d'entendre quelques bruits du dehors. Mais rien ne troubla le silence profond du souterrain. Pas même ce frémissement qu'imprime aux maisons de Paris le roulement des voitures dans les rues. Et ce n'était pas surprenant, car la route de la révolte, qui passe à quelques centaines de mètres des ruines, est infiniment moins fréquentée que les boulevards. « Si la demoiselle nous abandonne, pensa Georget, personne ne viendra nous chercher, ici, à moins que les fraudeurs. » Tout à coup, il lui sembla qu'un objet très lourd venait de heurter extérieurement la muraille du fond. Ce fut plutôt un ébranlement qu'un bruit distinct. Et Georget se demanda s'il n'était pas dupe d'une illusion d'acoustique. Le mur solidement construit ne devait pas résonner comme un tambour au premier choc des baguettes. L'enfant se leva pourtant, se traîna à quatre pattes et à tâtons jusqu'à la paroi qui avait vibré. Il colla son oreille, écouta avec une profonde attention et n'entendit plus rien. Sans réfléchir que sa voix ne porterait pas au-delà de cette clôture de pierre, il appela de toutes ses forces, et ses cris ne firent que réveiller son père. Quel n'eût été le désespoir des deux prisonniers s'ils avaient su que ce bruit sourd était produit par la chute de l'échelle qui avait servi à M. de Ménestreau, que M. de Ménestreau était descendu dans la cave au charbon pour tâcher de les retrouver, et que leur protectrice, Camille Monistrol, se tenait dans le corridor, presque au-dessus de leur tête, toute prête à les sauver s'ils vivaient encore. « Qu'est-ce qu'il y a, petit ?» cria Courapier. « Rien, père. Malheureusement, répondit Georget, j'avais cru qu'on démolissait le mur pour nous délivrer. » « Je me suis trompé. »« Personne ne pense plus à nous, mon pauvre enfant, » soupira le vieux pitre. « Alors, c'est qu'ils ont tué la demoiselle, car je suis sûr qu'elle ne nous abandonnerait pas. »« Tu crois ça, toi ? Eh bien, moi, je regrette joliment de m'être mis dans le pétrin pour elle. Et si j'en sors, j'irai lui dire son fait à cette princesse qui ne s'inquiète pas des gens qu'elle a conduits à la mort. Est-ce que je la connaissais, moi, quand elle est venue nous chercher sur le champ de foire ? Je ne l'avais jamais tant vue. Elle dit que Zigzag a tué son père. Savoir si c'est vrai seulement. » « Oh, père, pourquoi aura-t-elle menti ? Elle risquait sa vie, comme nous, et ce n'est pas sa faute si le chien vous a entraîné dans le corridor. Tu m'agaces à la défendre comme tu le fais. Tais-toi et allume la lanterne, je veux manger. »« Moi aussi j'ai faim, » murmura Georget, en se baissant pour ramasser le fanal. Il était revenu sur ses pas, et il avait retrouvé sans trop de peine l'endroit où son père était resté. Ses yeux commençaient à s'habituer à l'obscurité. Quand il eut éclairé la scène en usant une deuxième allumette, son premier soin fut de mesurer la bougie entamée, de la diviser en 8 parties égales, qu'il marqua avec son ongle, et de planter sur la première rayure une grosse épingle qu'il avait trouvée dans la cuisine de Brigitte et piquée sur la manche de sa veste. « Qu'est-ce qu'il te prend ? » demanda Courapier avec humeur. « C'est pour ne pas en brûler plus qu'il ne faut. Maintenant, si nous ne dépassons pas mes marques, nous sommes sûrs d'avoir de la lumière jusqu'à la fin de la semaine, » dit Georget, presque gaiement. « Elle durera peut-être plus longtemps que nous, » répliqua d'un air sombre le mari d'Amanda. «